Lorsqu'enfant, intrigué par un problème qui semblait intéresser mes semblables, je posais cette question naïve à mon père. « Papa, est-ce que Dieu existe ?» Et qu'il me répondait « Si tu veux ». Je ne me rendais pas compte que cette non-réponse était un acte d'éducation. Elle me donnait la voie à suivre pour évoluer vers une autonomie de pensée avec ses recherches d'arguments et sa prise de recul par rapport à une problématique. Adolescent, j'étais très à l'écoute de mon entourage. J'essayais de comprendre comment des personnes de mon âge pouvaient avoir une opinion sur plein de sujets. J'en développais un sentiment d'infériorité. Comment pouvais-je être incapable de trancher sur des sujets alors que chacun avait quelque chose à dire à leur propos? J'étais réellement en décalage et avais du mal à m'intégrer dans un groupe que j'analysais comme étant dans un consensus d'opinions insincères. Je cherchais à comprendre. Bien sûr, tout influe sur notre pensée. Le milieu familial, l'éducation reçue, les informations que l'on choisit d'écouter, les personnes que l'on fréquente et les expériences, bonnes ou mauvaises, de notre vie. Mais tel le résultat d'une psychanalyse, ce résultat que l'on doit prendre permet, en améliorant l'éclairage de nos raisonnements, de faire grandir la solidité de nos opinions. C'est ainsi que j'ai fini par définir ma pensée comme étant scientifique. Car se voulant, dans un monde de grande complexité, être au plus près de l'objectivité d'un réel invisible.